PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour messieurs, dames, vous entendez la radio Pokajou International dans sa version française. Je suis Melissa Suarez del Real et je suis très très contente d'être là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a préparé une émission très très intéressante. À Pokajou, comme dans plusieurs pays dans le monde, aujourd'hui on fête les morts. Aujourd'hui on a une célébration assez intéressante à voir et à écouter pour fêter les gens qui malheureusement ne sont plus là avec nous. Et c'est pour ça que je suis venue à la base du mont Peja, ou Tepaja, comme ça se prononce à Pokajou. Et en fait, je suis venue là parce que c'est ici que, selon l'ancienne tradition pokajoutienne, et se trouvent les âmes des décédés. En fait, c'est une montagne qui est considérée sacrée parce que, à son sommet, elle a un espèce de trou par où le vent siffle, le vent passe, et alors en passant, ça fait un bruit assez aigu. Alors on l'appelle la montagne qui souffle. C'est pour ça, comme le vent, l'air est considéré comme un élément sacré dans les peuples pokajoutiens, c'est pour ça que, selon la tradition, selon le Punégé, le livre sacré, ici, c'est l'endroit choisi pour les âmes des décédés pour habiter. En fait, c'est une histoire très, très jolie, très poétique, parce que selon la religion pokajoutienne, la mort, en fait, c'est comme un endroit où les âmes se réunissent pour chanter, pour danser et pour jouer des différents instruments musicaux. En fait, selon ce livre sacré, il y a tous les instruments que l'on peut imaginer. Alors, pour faire un résumé de comment on voit le ciel ou le paradis, c'est une espèce de fête éternelle et c'est là que sont nos morts, nos chers qui ont déjà quitté la terre. Alors, pendant ce jour, avant et après, on amène des fleurs, bien sûr, des bonbons, des friandises. Et bon, bien sûr, on offre de la musique, on apporte des CD ou on paie à des musiciens pour qu'ils viennent jouer dans la base du mont Tepaja. Aujourd'hui, on va montrer un peu de la musique que l'on peut entendre dans la base de cette montagne, cet endroit sacré où les morts, ils peuvent être enterrés ici. Mais il y a une loi qui peut paraître un peu étrange à les gens qui ne sont pas pokajoutiens. En fait, il est interdit d'enterrer les morts ici avec un cercueil. En fait, ils ne peuvent pas être enterrés ici, mais seulement s'ils sont complètement nus et ils sont justement mis dans la terre. On va commencer avec un morceau vraiment très déprimant, qui contient, je dirais, le son de la mort, parce que c'est tellement fort et tellement triste que, si vous êtes sensible à ce genre de musique, je vous conseille d'aller brosser vos dents et de revenir dans 2 minutes. Ça s'appelle Toque de Difuntos et c'est interprété par la banda de San Bartolo Tutotepec en Hidalgo, au Mexique. Thank you. L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Le voilà, le Toque de Difuntos, interprété par la Banda de San Bartolo Tututepec en Hidalgo, Mexique. Ça c'est, bon, de la musique spécialement composée pour les morts. C'est une musique originaire du Mexique, mais bon, ça continue à être joué ici depuis des décennies, grâce à des nombreux immigrés mexicains qui sont venus à notre île dans les années 80 et 70. Comme vous pouvez deviner, bien sûr, si vous venez de nous sintoniser, aujourd'hui c'est la fête des morts ici à Pokajou. Et on est en train de vous montrer quelques morceaux que les Pokajoutiens aiment bien et qu'ils aiment bien jouer près du mont Tepaja, le mont sacré, où, selon les croyances des Pokajoutiens, se trouvent les âmes des morts qui sont toujours en train de danser, de chanter et de fêter. Comme une sorte de proteste contre l'exploitation humaine au Brésil, la chanteuse Celia Barbosa a préparé un concert pendant les années 70 où elle a chanté contre les conditions des paysans employés dans les exploitations agricoles. Les chansons qu'on va écouter est destinée à un paysan qui vient d'être enterré. Ça s'appelle Funeral do Lavrador. Esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Radio Pokajou International. Ce programme vous est présenté grâce à la bonté du Maharaja du Pokajou. On est de retour, je suis Mélissa Suarez El Real et vous entendez la radio Pokajou International dans sa version française. On vient d'écouter à la chanteuse Celia Barbosa avec sa voix magnifique et la chanson qui s'appelait Funeral do Labrador. Cette chanson qui parle sur les pauvres conditions de travail des paysans brésiliens dans les années 70. En fait, on a choisi de jouer ce morceau parce que plusieurs personnes ont été décédées, ont trouvé la mort, ou ils ont été tués à cause des pauvres conditions de travail dans ces années-là. La chanson, en fait, les mots sont un peu durs, elle parle sur la fosse qu'on vient de crever pour enterrer un paysan, et du fait que en fait, la fosse est beaucoup plus grande que la maison où cet homme a habité pendant qu'il était vivant. Celia Barbosa et ses chansons contestataires ont été enregistrées aux États-Unis avec Monitor Records, Mais en fait, c'était en France que sa voix a été vraiment découverte. C'était à partir des enregistrements et de la radio française que le reste du monde a pu connaître Celia Barbosa. Et en fait, c'était aussi grâce à la radio française que le Pocajou a découvert à Celia. Et plusieurs paysans brésiliens qui vivaient au Pocajou ont voulu l'amener comme un petit hommage pour leurs parents morts ou leur oncle ou sa famille qui avait en fait subi ces genres de travail. Il faut aussi vous raconter que, même si maintenant il s'agit d'une fête où tout le monde s'en mêle, où tout le monde participe de la même façon, d'abord, spécialement au XXe siècle, les groupes d'immigrants qui arrivaient, ils faisaient leurs célébrations plutôt séparées. Alors, c'était comme ça que la fête des morts est devenue une célébration incontournable de l'époque ajoutée, parce que pendant la même soirée, autour de Jucapo, la capitale, qui à ce moment était une très très petite ville, on pouvait entendre le tango, la bachata, les chants tibétains, le jazz manouche, tout au bord du mont Tepaja, où il y en a toujours bien sûr, des vendeurs de fleurs tropicales pour poser dans les pierres du mont. Il y avait aussi des vendeuses de patates douces, maintenant elles sont remplacées plutôt par des vendeuses de bananes rôties. Les enfants, ils font toujours des lanternes à papier coloré. Et puisque la tradition dit que le mont Tepaja est sacré et devrait sentir bien, les créateurs des parfums vont aussi montrer leur dernière création. C'est pour ça qu'on dit que il y a une atmosphère vraiment très vivante, mais en fait c'est quelque chose de très très spécial. On va finir notre émission avec un peu de musique un peu plus contemporaine, au moins qui appartient à cette décennie. Il s'agit du groupe Timber Timber du Canada, avec une chanson dédiée à ce moment où un homme fait sa rencontre avec la mort et il est sûr qu'il va mourir. Jusqu'à ce que ce moment nous arrive et tous nous rencontrerons au mont Tepaja dans cette fête éternelle, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous ayez des beaux souvenirs de votre cher qui sont déjà là. À la prochaine. Death, she must have been your will. Up on beneath the reaper's veil. With your voice my belly sunk. And I began to feel so drunk. Candle, candle on my clock. Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed as the flames licked my head and my lungs filled up black in that tiny little shack. It was real and I repent. All those messages you sent, clear as day but in the night. Oh, I couldn't get it right. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Radio Pocageux International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la radio.